Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs fidèles de Coup de Cœur, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue sur notre antenne. Serge en votre compagnie pour les 60 minutes à venir. Alors l'histoire est un peu compliquée parce que ce coup de cœur Petula Clark que nous allons partager ensemble aujourd'hui devait être diffusé il y a plusieurs semaines. En fait, le jeudi 23 mars, on devait exceptionnellement le reporter d'une semaine suite à la disparition de Marcel Amont et des coupures de courant, coupures électriques ont quelque peu perturbé nos programmes ce jour-là. Donc on a retrouvé Marcel Amont le jeudi 30 mars. Et le premier jeudi du mois, vous en avez l'habitude maintenant, c'était le 6 avril, c'était la semaine dernière, un rendez-vous incontournable pour vous présenter les nouveautés que nous avons particulièrement affectionnées dans le cadre du Hit Coup de Cœur. Donc tout ça pour vous dire que Petula Clark, eh bien on la retrouve seulement aujourd'hui, mais juste avant de parler de sa carrière, d'écouter de nombreuses chansons, de son univers également, je tenais à vous diffuser une nouveauté de Pascal Obispo. Il chante avec Jordana Angie, ça s'appelle « J'étais pas fait pour le bonheur ». Et je voulais vous préciser une chose importante, c'est que ce monsieur avait décidé de supprimer tous ses albums, toute sa discothèque, des plateformes de streaming. Je trouvais ça un petit peu dommage par rapport à ses fans et c'était le cas puisque tout est rétabli. Vous pouvez le retrouver sur les différentes plateformes et l'écouter à volonté. On découvre son nouveau titre « J'étais pas fait pour le bonheur ». J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà. Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi. Qu'il prend la forme de mes mains quand je caresse. Coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Me voici devant ce grand pays. C'est le mien, je reviens pour toujours. Jamais plus, je le jure, quelle que soit ma vie. Et ces orages, je ne pourrai vivre loin de chez moi. va lutter comme autrefois. On va gagner. Si tu veux oublier les ombres du passé, on peut encore s'aimer. Je suis à toi, gentille. Pas un seul instant, je n'ai cessé de penser à toi et de te pleurer. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Eh bien, on l'a entendu, elle est arrivée, Petula Clark. Petula Sally Olwen Clark, elle est née le 15 novembre 1932 en Angleterre à Ewell. C'est une chanteuse, compositrice et actrice britannique. Quelques mots sur cette première chanson que l'on vient d'écouter qui s'appelle Evita, la chanson d'Evita. Il s'agit bien sûr d'Eva Perón. Ça se passe, c'est une femme qui est née en 1919 en Argentine et qui a épousé le colonel Juan Domingo Perón un an avant son ascension à la tête de la présidence de la République argentine. Elle a notamment œuvré pour la défense des femmes. Voilà, c'était une très belle chanson qui avait été également reprise par Madonna. Alors, Petula, Madonna, Petula, Evita, tout en A. Sachez que Petula, au cours de la décennie 60-70, connaît un succès immense international avec des titres en français ou en anglais, comme Downtown en 1965, C'est ma chanson, Don't Sleep in the Subway, Chariot, Yaya Twist ou encore La Gadoue en 66. D'après le site de son fan club, ses ventes dépasseraient les 68 millions de disques dans le monde. Alors son père est anglais et sa maman Doris galloise. Son père a créé son prénom en fusionnant deux prénoms, Pet et Ulla. Voilà. Elle commence sa carrière artistique enfant, poussée et guidée par ses parents. Petula Clark commence à chanter à l'âge de 7 ans dans l'église paroissiale, en fait. À 9 ans, elle se produit à la radio et en concert durant la Seconde Guerre mondiale, interprétant des chansons pour les militaires britanniques. Et après de multiples apparitions à la télévision, la jeune femme séduit le public anglais avec ses premières chansons. Les Français succomberont à sa voix et à son charme à leur tour. On écoute une de ses premières chansons, Java pour Petula, et puis à la suite, un de ses amis, elle a chanté de nombreuses fois en duo avec Sacha Distel, cette fois-ci nous interprétera Toute la pluie tombe sur moi. En arrivant à Orly, j'avais pris un taxi pour l'hôtel Georges V. Et le conducteur Parigo m'a dit, vous êtes dingo, venez boire un coup sur le zinc. Les hôtels pour milliardaires, ça tue les petites affaires. Et si vous êtes anglais, il faut pas venir à Paris pour aider les fortiches à bouffer les tout petits. Pousir ma mère. Sur le gazon, il prend ma paluche dans ses poignets et il me dit maintenant qu'on en. Ah, comme il causait bien. Conversation finie, il me remet dans le taxi et il repart en prise. Moi j'aurais bien continué, mais il me dit c'est fermé, maintenant faut que je remise. Je viendrai vous chercher dimanche, on ira sous les branches et la vie sera chouette. Et je vous promets que bientôt vous jacquerez le français comme un vrai paringant. Allez du deal. Et croise ton soufflet. Mmh. l'hôtel George V. Ils m'ont foutu dehors. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Toute la pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois. Car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, où à mes aïeux, où qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu un autre dans ma vie. Je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas car j'ai le moral. Et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. Mais je me dis au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie. Je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas car j'ai le moral. Et je me dis qu'après la pluie, j'ai le moral. Et je me dis qu'après la pluie, oh, je sais bien qu'après la pluie, vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. C'est bien souvent ce qu'on se dit en Lorraine, après la pluie vient le beau temps, j'ai remarqué. Alors, la voix de Petula Clark dans Java pour Petula, elle était vraiment accompagnée d'un accent fort et je trouve que même avec l'âge, même avec les années passant, elle n'a pas perdu cet accent et c'est tout à fait séduisant également. Alors en 1957, alors qu'elle était déjà adulée par le public britannique, Petula Clark s'est laissée convaincre de participer à un concert à l'Olympia, à Paris bien sûr. Âgée de 27 ans, la star portait une robe bustier à paillettes en tulle rose et ses cheveux étaient teints en rouge. Il faut quand même bien se remettre par rapport à l'époque, 1957. Et pendant que Petula vaquait à ses occupations, Claude Wolff, publiciste parisien âgé de 29 ans à l'époque, se trouvait dans le public. Même si il admet avoir été consterné par cette tenue assez extravagante, ce fut le coup de foudre pour le jeune homme. Il a également, bien sûr, été séduit par la voix exceptionnelle et le charme de Petula Clark. Ils se sont mariés en 1961 et, chose extrêmement rare dans le showbiz, depuis, Claude gère la carrière de son épouse. Dans les années 60, elle devient une grande vedette de la chanson francophone en interprétant notamment Boris Vian et Gainsbourg. Sa période faste se situe entre 1962 et 1968 grâce à des titres tels que Chariot. Alors Chariot, ce titre sorti en 62, a connu un immense succès en France et en Belgique, numéro 1 dans l'Hexagone. Chariot permet à Petula de se produire à l'Olympia la même année en tant que vedette principale. On va écouter ce titre par Petula. Et puis, quelque chose que vous ne connaissez certainement pas, la version interprétée par Sheila. Alors, ce n'est pas un disque qu'elle a fait au niveau des ventes, mais c'était tout simplement son disque lors de l'audition devant Claude Carrère, alors qu'elle n'avait que 16 ans. C'était un test en quelque sorte. Si elle est devenue célèbre, eh bien, c'est peut-être un petit peu grâce à Petula Clark. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Venir près de toi sur le grand chariot. La jeune voix de Sheila a 16 ans à l'époque, hein, il faut bien se remettre dans le contexte, une voix très haut perchée. On revient à Petula Clark. Sachez qu'elle a remporté en 1965 le Festival Bar. On en a déjà parlé dans cette émission. Il s'agit d'un festival de chansons italiennes créé en 1964 et il a été stoppé en 2007. Elle enregistrera notamment en français, en allemand, en italien, en espagnol. Et les années 70 seront plus difficiles pour elle. Elle réalisera notamment un comeback à la fin des années 80 avec une nouvelle version de son tube Downtown 88 qui se classera de nouveau dans les charts anglais. Cette chanson emblématique sera ensuite reprise au début du film Les Dents de la Mer 2, à plusieurs reprises et dans le générique de fin de Une vie volée par Emma Bunton, ex Spice Girl, sachez-le. En 2006, le single se classera dans le top 3 des charts anglais ou au sein également de la série télévisée américaine Lost durant les années 2000. C'est un titre dont on a beaucoup parlé, c'est le plus grand succès de Petula Clark. Elle en a composé les paroles sur une musique de l'auteur Tony Hatch. La chanson a cartonné aux États-Unis, en France, en Italie et en Allemagne. Elle s'est classée numéro 1 du Billboard 100. Avec Downtown, en fait, la chanteuse accède à une notoriété mondiale et en 2013, elle présente encore une nouvelle version de cette chanson rebaptisée Lost in You avec des arrangements modernisés. Nous, c'est la version originale qui nous intéresse aujourd'hui. Puis les Rolling Stones. Mick Jagger, un fan de Petula. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movies shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So Jet, le festival de toutes les musiques. I see a red door and I want to peek into the light. No colors anymore, I want them to see this thing happening to you. Dans l'univers de Petula Clark, c'est un petit peu le principe de notre émission. Et sachez qu'après une longue traversée du désert, malgré de nombreux remixes et l'Olympia en 2003, Petula tente un retour en force au sein de notre hexagone au début des années 2010 avec un disque numérique réalisé par Jean-Philippe Verdun et Rémi Galichet en préambule d'un nouvel album dont Charles Aznavour, Benjamin Biolay et Tom Graffin auront les commandes. Petula Clark se produira en 2011 sur la scène du Casino de Paris. On va revenir sur un de ses titres phares, Lagadou. En effet, Serge Gainsbourg succombe au talent de la chanteuse et il lui a composé, on peut dire, un titre enjoué. La chanson devient l'un des plus grands succès de Petula Clark en France en 1966. Il faut dire qu'il joue avec humour sur les origines anglaises de la chanteuse qui est devenue en quelques années une vedette de la chanson française. Ces deux-là, on va les écouter tour à tour. Déjà Petula et puis Serge Gainsbourg, L'Anamour. De septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ouh, la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Lagadou, lagadou, vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons Lagadou, Lagadou, Lagadou, Lagadou, ouh, Lagadou, Lagadou. Il fait un temps abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas Lagadou, Lagadou, Lagadou, Lagadou, ouh, Lagadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh, la gadou, la gadou. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Si vous avez manqué le début de notre émission ou tout simplement si vous voulez la réécouter dans son intégralité, sachez que c'est possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce au podcast. Écoutez plutôt. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. www.fadjet.net. En 2012, l'année de ses 80 ans, et alors que la chanteuse n'avait pas publié de chanson originale depuis plus de 30 ans, paraîtra l'album éponyme, Petula, dont elle a signé les musiques. Petula Clark s'est offert pour l'occasion trois auteurs de luxe pour les paroles, Michel Legrand, Benjamin Biolay et Salvatore Adamo. 9 titres sont en français, 4 en anglais, en clin d'œil à ses origines bien sûr. La chanteuse a également enregistré 4 duos, un avec Charles Aznavour et 3 autres avec de jeunes pousses de la chanson française, Joyce Jonathan, Ben l'Oncle Soul et Mani. Le disque, hélas, ne remportera pas le succès escompté. On va écouter un extrait, Cup Copy Me, et puis Charles Aznavour, Emmenez-moi. Sachez qu'il avait demandé à Petula en 1968 d'être son témoin de mariage avec Ulla. Fear.

starting all over again, recreating the dream we once knew, going back to a time that has drifted away. Well, it won't be that easy to do. Through the tears and the anger and pain, the illusions we had and then lost, all the questions that still go unanswered today, were the lessons we learned. Pas si vous avez remarqué, mais cette voix, elle est intacte, hein, à presque 90 ans, puisque cet enregistrement a été fait en 2020. Elle avait 88 ans, Petula Clark. Quelques mots, on revient sur sa vie privée. On l'a déjà un petit peu évoqué en début d'émission. Donc, elle a épousé Claude Wolf, qui s'occupe de ses relations publiques, des disques Vogue, notamment en 61 à Bourg-la-Reine. Le mariage s'est passé à Bourg-la-Reine. Ils se sont installés quelques mois plus tard à Paris. Ils ont eu trois enfants. Barbara, née en 61 à Londres, dite Barra, épouse du baron Robert de Cabrol, sachez-le, c'est un architecte d'intérieur à New York. Catherine, qui est née en 1963 à Paris, elle est peintre sous le nom de Cathy Wolf. Et Patrick, né en 72 à Genève, en Suisse, dit Paddy, c'est son petit surnom. Depuis 1967, ils se sont installés à Genève. Et en 2012, ils ont fêté leur noce d'or, 50 ans de mariage. La carrière à succès de la célèbre artiste ne s'est pas construite toute seule, car son mari Claude Wolf y était pour quelque chose. En tant que manager, et on peut dire qu'il a façonné la carrière de sa tendre femme, il est même devenu le maître de la garde-robe de la célèbre artiste en choisissant lui-même les costumes que sa femme portait sur scène. Dès le début de leur histoire d'amour, les Wolf étaient déterminés à faire en sorte que leur union ne soit pas un mariage typique du showbiz avec des séparations fréquentes. En effet, Petula a connu ce genre de vie dans son enfance malheureuse en Angleterre, où il a été entraîné dans le circuit des variétés par son père, un acteur qui était devenu infirmier. On va l'écouter dans un de ses premiers succès, un de ses plus grands tubes, La nuit n'en finit plus. Je dirai quelques mots et puis on la retrouvera en public pour clôturer ce numéro. Avec 68 millions de disques vendus à travers le monde, Petula Clark fait partie de ces rares chanteuses ayant eu deux véritables carrières distinctes, l'une en anglais, l'autre en français, avec des chansons originales et non des adaptations comme la plupart de ses confrères et consœurs. Petula Clark a d'ailleurs reçu la médaille de vermeil de la ville de Paris, également le titre de chevalier des arts et lettres, celui de la citoyenne d'honneur de plusieurs villes aux États-Unis et en 1998, elle a été faite commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Un seul mot, Madame Petula, respect. Ah, voici une chanson qui était écrite par un vieux monsieur qui n'est plus avec nous. C'était Charlie Chaplin, Charlot. J'ai enregistré cette chanson en... Ah, voici une chanson qui était écrite par un vieux monsieur qui n'est plus avec nous. C'était Charlie Chaplin, Charlot. J'ai enregistré cette chanson en italien et allemand, français bien sûr, et en anglais. Et je l'ai chantée dans tellement de pays, tellement de fois, que maintenant je trouve qu'elle est peut-être vraiment ma chanson. Ce sont des mots de tous les jours. Presque à chacun de nos rendez-vous, ça a passé comme une flèche. L'agréable compagnie de Petula Clark m'a séduit. Alors j'espère qu'il en était de même pour vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 17h le jeudi. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. D'ici là, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, comme on dit maintenant, très souvent, mais c'est la réalité. Et puis je serai très heureux, j'ai déjà hâte de vous retrouver. Bye bye.